Exercice 6, page 116. A. Vous pouvez faire vos devoirs. B. Vous voulez vraiment savoir? C. Vous courez souvent le soir? D. Vous voyez la valise noire? E. Vous voilà, ma chère voisine. F. Vous voyagez en voiture?